C'est parti pour 2 ans, à tous les supporter. Des choix sur mes épaules et mon sac à porter. Quelle idée, l'orientation, moi ma seule orientation, c'est pouvoir rester heureux, modeste et amoureux. Pourtant il y a des filles en overdose de filles, même si au fond de moi je les aime à la folie. Dans cette si belle école, j'aimerais rigoler, mais mes yeux puent l'alcool, je ferais mieux d'arrêter. Toutes ces filles me parlent, même Kelly me sourit. J'ai tout pour être heureux, pourtant je pleure la nuit. Ma classe est un harem dont je suis le patron. Ma classe est un harem dont je suis le patron. Ma classe est un harem dont je suis le patron. Ma classe est un harem dont je suis le patron.